moi ça faut nettoyer. Mémoire moins pour tirer. Souvenir nous a nous t'écarrions souvent. Nous a passé bon temps. Ou tu pas plus longtemps. Nettoyer l'esprit moins, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner.